À l'écoute de Fadjet, il est 17h. Depuis maintenant 30 ans, Fadjet. 30 ans d'ondes solidaires. Une fois par mois, de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Fadjet 94.2, bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années, il faut le dire. On vous informe sur les tendances musicales, mode, déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on va vous parler tout simplement du passé au présent. Ma partenaire de jeu depuis 12 émissions déjà, ça fait un an finalement, en fait, nos un an, c'est Anaïk. Bonjour à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, quel va être le sommaire de cette nouvelle émission? Alors, d'abord, je voulais vous souhaiter quand même une bonne année, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Donc, bonne année 2015 à tous nos auditeurs. C'est vrai, t'as raison, on ne l'a pas fait encore, c'est la première émission. Et il y a eu aussi une petite repoussade de la semaine dernière, suite à une chute accidentelle, assez rétro avec mon scooter, qui a fait que mon bras s'est envolé lui-même et a pris son indépendance et s'est envolé dans d'autres cieux. Mais aujourd'hui, je suis... un peu rétabli. Alors, je peux avoir des défauts de souris avec ma main handicapée, mais je pense que l'émission va être sympa. Est d'attaque et on est bien là. Donc aujourd'hui, au sommaire de cette première émission de l'année 2015, on avait envie de vous parler d'amour. La fête des amoureux approchant à grands pas, on va vous parler de Valentin, le saint patron des amoureux. On va vous parler aussi de rendez-vous galants, de drague à l'ancienne. Donc tout un programme. La chronique mode, elle s'intéressera comment faire pour s'habiller avec un look un petit peu rétro pour un rendez-vous galant, hein. Et puis on parlera aussi bien sûr de déco. J'avais envie de vous parler du retour du rotin qu'on trouve un petit peu partout dans les intérieurs un peu vintage. Et puis bien sûr on parlera des sorties sur Nancy, pas mal d'actu donc pour le mois de février à venir. Alors on va commencer tout de suite avec la première chronique, c'est ça? Oui, donc tu vas nous parler de Valentin, François? Bien sûr, je vais vous parler de Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est le patron des amoureux, il faut le dire. Et le jour de la Saint-Valentin, c'est le 14 février, tout le monde le sait. Vous n'allez pas tarder à avoir beaucoup, beaucoup de prospectus dans vos boîtes aux lettres. Et donc c'est considéré le 14 février comme, dans de nombreux pays, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux, comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. À l'origine, c'est une coutume païenne. Cette fête est finalement assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. Alors, il y a 10 règles d'or de la drague à l'ancienne, comme elle était faite auparavant, mais on peut encore l'utiliser aujourd'hui. La plupart d'entre nous, genoux que nous sommes nés trop tard pour connaître l'art d'être un vrai gentleman ou gentle woman. Mais si vous avez déjà vu des vieux films en noir et blanc, vous savez sûrement que, dans le temps, les hommes demandaient un rendez-vous plusieurs jours à l'avance. Que quand venait enfin la date tant attendue, monsieur venait vêtu sur son 31. Il attendait sur le pas de la porte un bouquet de fleurs à la main pour amener sa belle au cinéma. Et si ces bonnes vieilles méthodes revenaient à la mode, tout simplement, petit tour d'horizon pour un vrai rencard, comme vos parents et vos grands-parents en faisaient. Alors, premier point essentiel, on l'a dit juste avant, le rendez-vous sur le pas de la porte. Plutôt que le texto du genre « je suis dehors, tu te ramènes, mais... » Sortir pour de vrai de la voiture et marcher jusqu'à la porte, ça fait vraiment la différence. Oui, on se sent attendu dans ces cas-là, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, on est à l'ère un petit peu d'Internet, tout ça, mais une vraie demande... à l'ancienne. C'est mieux que dis donc Kimberley, je suis dans la bagnole, je suis dans la tire, tu te ramènes. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins glamour. C'est un petit côté un peu titi parisien, hein, qui a aussi un côté rétro. Enfin voilà, on s'adapte à la demoiselle. Deuxième élément essentiel, amener un petit cadeau ou des fleurs. Hein. C'est une façon de montrer son affection, de montrer que vous tenez à l'autre personne et bien sûr que vous avez pensé à elle. On ne lui amène pas une roue de voiture ou une chaîne de vélo ou je ne sais quoi d'autre. On lui amène les fleurs, c'est toujours, je pense, le truc qui marche le mieux. Les fleurs, ça fait toujours plaisir. Rouge, alors là, bah voilà, vous déclarez votre flamme hein, avec la couleur rouge. Et puis, bah, c'est vrai que chaque jour, avec des fleurs, on peut penser à vous. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Jusqu'à temps qu'elle fane, hein, bien sûr. Ouais. Il faut le dire. Et alors, troisième petit code, il faut s'habiller. C'est important. Habillez-vous. Pas besoin de venir en costard-cravate non plus. Ce n'est pas un entretien d'embauche, mais faites au moins quelques efforts dans votre apparence globale. En plus de vous présenter à votre avantage, c'est aussi un signe de respect, hein, tout simplement. Parce que bon, quand on sort, on change de vêtements. Oui, c'est mieux. On ne met pas les vêtements qu'on avait la journée. En plus, ça fait beaucoup de bien de reprendre une petite douchette, de se préparer, de s'habiller, de changer. Automatiquement, on se sent mieux dans sa peau et donc plus en confiance pour affronter la douceur juvénile de notre tante aimée. Alors, quatrième conseil, demandez un vrai rendez-vous. Évitez les « on va se balader » ou « on peut se capter ce soir si ça te dit ». Peu de gens le font dans les règles de l'art, alors c'est l'occasion de faire la différence. Hein. Un vrai rendez-vous galant se demande en face à face et non sur un mur Facebook ou par texto. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Aujourd'hui, on peut s'adapter à ça, on peut envoyer, voilà, mais on essaye de le faire dans les règles de l'art, on peut le dire ainsi. Cinquième conseil, hein, il y en a 10. Hein. Ouvrez la portière de la voiture. Alors, est-ce que ça se fait encore, ça, aujourd'hui? Bah, j'espère que ça se fait, que ça existe encore, parce que je trouve ça, c'est un geste très galant. Et c'est vrai que quand on tombe sur un garçon qui le fait, ça nous surprend, parce qu'effectivement, on ne voit plus ce geste. Non, plus du tout. Alors, voilà. Je pense qu'effectivement, on ne le voit plus du tout. C'est tout simple, c'est tout bête, et pourtant, ça passe pas inaperçu. Si on n'a pas de voiture, le conseil vaut aussi pour les portes des bars ou des restaurants. Voilà, on peut ouvrir toutes les portes. C'est important. Effectivement, ça peut-être paraître un peu kitschoun, mais je pense qu'on peut revenir à des vraies valeurs comme ça, d'éducation et de galanterie. C'est simple et puis ça fait toujours plaisir. Alors après, on peut faire bien sûr les présentations. Si en chemin vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, le contraire est non seulement impoli, mais c'est aussi très agréable pour la personne concernée. C'est toujours vrai. Présenter sa partenaire. Oui, parce que là, on a l'impression d'être inexistante. Un potiche, un peu à gauche, oui, ça ou à droite. Fait un peu ça, donc c'est et puis, la personne est gênée, oui. Et ne sait pas quoi dire. Et effectivement, présenter. Et même ça vous force pas forcément que dans les rendez-vous galants. Quand on rencontre quelqu'un dans la vie de tous les dans jours, la vie de tous les jours, tout on à fait. Présente la personne qui est à côté. Alors on fait un petit peu moralisateur comme ça, mais c'est des conseils qui feront mouche le jour J. Alors n'attendez pas non plus, pour le septième conseil, de sexe en retour, hein, directement. C'est faut attendre un petit peu. Hein. Il faut aussi penser, pour le huitième conseil, à lâcher son téléphone portable. Alors ça, c'est incroyable. Insupportable le nombre de fois où on va au restaurant et les gens ne se parlent pas parce qu'ils sont chacun branchés sur leur téléphone portable. C'est vrai. C'est pas possible. C'est devenu un truc où tout le monde préfère avoir une vie sociale sur les réseaux plutôt qu'une vie sociale en direct. Hein. Ça, c'est vrai que c'est moi-même, j'en suis parfois un peu victime aussi de cela. Et il faudra que je lâche un petit peu mon téléphone portable. Alors, il faut aussi, dans le neuvième conseil, privilégier l'imprévu. Ça fait toujours du bien. Se comporter comme un gentleman à l'ancienne. Oui, être vieux jeu, non. Éviter le restaurant pseudo-romantique à dessous. Aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Et où l'autre personne n'est jamais allé non plus. Montrez-lui qu'elle est une personne extraordinaire. Faites des choses extraordinaires. Tout un programme. Et dixième et dernier conseil, soyez clair dans vos intentions et dans vos sentiments avec l'autre. Voilà 10 règles essentielles hein, qu'on peut rappeler effectivement qui pourraient paraître évidentes, mais qui ne le sont pas toujours. Et nous, dans Un coup d'œil dans le rétro, on y met une petite touche un peu vintage dans le côté de la drague et aussi de la galanterie. Voilà, c'était de l'éducation qu'il y avait en temps et aujourd'hui, il y en a peut-être un petit peu moins. Voilà. Donc c'est toujours bien et bon de revenir à l'essentiel. Allez, on va s'écouter une première musique, une petite pause musicale dans Coup d'œil dans le rétro. Il est 17h10, vous êtes peut-être dans votre voiture, écoutez Chubby Checker, Let's Twist Again et on se retrouve juste après. Oh, Chubby Checker, Let's Twist Again, un tube de 1961 sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Un coup d'œil dans le rétro de 17h à 17h30, effectivement sur Fadjet, donc la mode, la déco, on va tout décrypter en ce mois de janvier 2015. Et là, eh bien, on va passer tout simplement à la mode, afin de vous faire belle et beau, rendez-vous avec Anaïk. Oui, alors mes chers auditeurs et auditrices, donc si vous avez un rendez-vous amoureux effectivement le 14 février, je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir un look rétro, sobre et chic. Le jour J. Le jour J. Donc pour les femmes, je pense qu'on peut difficilement passer à côté de la célèbre petite robe noire que portait notamment Coco Chanel, qui donne toujours un petit côté classe et sobre. Avec cette petite robe noire, vous pouvez donner au buste la forme d'un V. Vous pouvez donc agrémenter cette robe d'une veste épaulée. Voilà, ça fait toujours classe. Côté accessoires, vous pouvez aussi porter des ballerines ou des petites derbies. Et puis, je vous conseille une petite pochette et un foulard imprimé à petit pois. Je trouve que ça donne un look assez rétro. C'est assez pratique aussi pour marcher, parce qu'il faut penser qu'avec des hauts talons, des fois, les femmes ont du mal. C'est compliqué de se déplacer. C'est compliqué. Voilà, pour les messieurs, oui. Voilà, donc on a pensé aussi aux messieurs. Un costume sombre en tweed. Donc, le tweed, en fait, c'est une laine tissée. J'aime beaucoup cette matière. Madame. Voilà, c'est assez agréable. Ça revient aussi pas mal à la mode. Vous pouvez, avec ce costume, porter une chemise blanche cintrée, un veston. Et puis, moi, j'aime aussi bien l'accessoire qui va bien, qui donne toujours un petit look un petit peu ancien. Les bretelles. Voilà, les bretelles. On avait d'ailleurs fait une chronique sur les bretelles il y a un petit moment. On avait parlé d'ailleurs peut-être en podcast sur le site internet de Fadjet. Ouais, voilà. Par ce temps aussi où il neige, vous pouvez, messieurs, protéger un petit peu votre chevelure avec un chapeau. Et pourquoi pas vous donner un petit look un peu à la Al Capone avec un borsalino. Je trouve que ça donne pas mal de caractère. Effectivement, voilà. Ça pourrait donner. D'ailleurs, on essaiera de trouver des photos de deux personnalités, une femme et un homme qui seraient habillés de cette façon-là. Et on les mettra, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Coup d'œil dans le rétro Fadjet 94.2 et de nous faire part de vos sorties, hein, si vous êtes des acteurs locaux du rétro et du vintage, mais aussi tout simplement des petites anecdotes et des petits tuyaux qui peuvent aider le monde rétro ici sur Nancy. Alors, des idées où on peut se procurer finalement. Un peu partout, je dirais que maintenant c'est vrai, le style rétro redevient à la mode, donc toutes les, bien sûr, les boutiques, voilà, par exemple Emmaüs, Sodis, tout ce qui est Troc de Lille, Pulnois, Le Bon Coin, vous pouvez trouver aussi pas mal de dans les fripes en fin de compte, mais aussi dans certains magasins bien connus, grandes enseignes. Voilà, le tout est avec des accessoires, je pense que vous pouvez aussi faire pas mal de choses et vous donner un look sympa sans forcément débourser beaucoup d'argent. Alors c'était nos conseils, effectivement c'est toujours, on essaye aussi de faire ça, de ne pas avoir des grosses dépenses à faire, n'hésitez pas à chiner ou même en déplacement lorsqu'on part en vacances, j'y pense, c'est important de toujours regarder s'il y a des petites choses à gauche à droite, des petits accessoires, et voilà, c'est nos conseils mode du jour pour être beau et belle le jour J en toute simplicité. Allez, on s'écoute un deuxième tube, Alice Francis, pour ceux qui connaissent, Shoot Him Down. C'est un coup d'œil dans le rétro, vous êtes avec nous jusque 17h30. Prenez le temps, c'est du bon son, à tout de suite. This man is ticket for a ghost train. I believe that what he said, but I never do it once again. Mama told me to resist my heartache, but nothing can stop me from going insane. He's calling me, saying my baby girl, while he's in bed with the mother chick in his rose-colored world. I want to choke him, want to maltreat him. Nothing. Alice Francis, Shoot Him Down sur Fadjet. Vous écoutez Fadjet. Alice Francis, voilà que vous venez d'écouter donc un petit morceau d'Electro Swing sorti de l'album St. James Ballroom qui était sorti donc en 2013. Mais c'est une actrice de l'Electro Swing, du monde Electro Swing. Je dis actrice, mais c'est pas parce que c'est une comédienne, mais c'est, voilà, c'est un groupe de musique d'Electro Swing. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les informations. Je donne souvent les pages Facebook Alice Francis et aussi alicefrancis.com. C'est plutôt sympa comme son. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, c'est différent. Moi, j'aime bien. C'est vrai, c'est sympa. Allez, on poursuit l'émission. Les 17h19 et c'est le moment de la chronique la chronique déco. Alors, dans un coup d'œil dans le rétro, bien évidemment, on balaye toutes les sortes, la mode, les artistes, mais aussi la décoration, un intérieur bien vintage. En ce moment, c'est plutôt sympathique. Et donc, on balaye différentes époques avec différents mobiliers, du mobilier phare qui correspond à chaque décennie. Ce matériau phare, notamment des années 50, c'est le... Rotin. Le rotin. C'est le retour du rotin à la star du bambou et de l'osier qui revient de loin et fait désormais partie des nouveaux décors modernes qui pouvaient être même bien kitschoun il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fait son grand retour. Le végétal, notamment dans l'ameublement. Les designers se réapproprient les fibres, surfant sur la vague du développement durable. C'est une plante appartenant à la famille des palmiers lianes, le rotin, que l'on trouve dans des zones tropicales des forêts de l'Inde et de l'Indonésie. Alors le tressage se décline donc dans les années 1900 en berceau, guéridon, fauteuil, chaise longue, et en 1949, alors selon les salons des artistes décorateurs, qui offrent un nouveau souffle à cette tradition grâce aux fauteuils et chauffeuses coquilles, aux tables basses et aux miroirs soleil. D'ailleurs, on mettra encore sur la page Facebook différents articles liés au rotin. La fabrication était manuelle, les ateliers dispersés sur tout le territoire, pardon. Les formes, telles donc la coquille, on le disait, se déclinaient dans une variété infinie de motifs selon l'inspiration des artisans. Et dans les années 50, alors quelques designers de renom, notamment Jacques Adnet, Janine Abraham et Joseph André Motte, emploient également le rotin. Alors tout le monde connaît un article bien précis, et encore plus les hommes du rotin. Et c'est le fauteuil. Le fauteuil de qui? Le célèbre fauteuil d'Emmanuel. Je sais pas si les gens connaissent plus le fauteuil ou Emmanuel, j'en sais rien. Voilà, c'est bien indissociable, bien effectivement, du film érotique le plus populaire sorti en 1974. Et à l'époque, le fauteuil a été commercialisé sous le nom de fauteuil d'Emmanuel, comme s'il s'agissait d'une création spéciale pour le film. Mais il existait déjà depuis longtemps, sous le nom d'un fauteuil de Pommard, du nom de famille, d'une célèbre famille royale polynésienne. Alors, pour avoir un esprit vintage et chaleureux dans votre intérieur, n'hésitez pas, le rotin est la pièce indispensable. Et quand il est chiné à un prix très bas, c'est encore mieux. Donc pareil, toutes les enseignes ici, on peut aussi notamment aller sur internet, n'hésitez pas à taper sur tout ce qui est brocante, troc, etc. Et vous trouverez énormément d'articles, on trouve pas mal de miroirs, on trouve ces fameuses petites tables en rotin qui peuvent être utilisées à l'extérieur aussi, je crois, si elles sont traitées sur des terrasses. Et les fauteuils aussi coquilles, enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais il y en a pas mal quand même. On mettra une photo sur le Facebook de l'émission pour bien vous montrer ce qu'est le rotin et notamment ces articles que tout le monde connaît et que tout le monde a vu à un moment donné dans l'intérieur de mamie. Oui, c'est vrai. Pas l'intérieur humain, hein, l'intérieur... On n'ira pas jusque-là. Voilà, l'intérieur du domicile. Allez, un célèbre artiste des années 60, 50, 70, 80, 90. On peut aller jusque-là, puisque malheureusement, il s'est éteint en 1991. C'est Serge Gainsbourg, 69 harnais érotiques. Allez, c'est la dernière ligne droite d'un coup d'œil dans le rétro. Écoutez. Gainsbourg et son Gainsbourg ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Un coup d'œil dans le rétro. Il nous reste 5 petites minutes d'émission, malheureusement, pour vous faire part eh bien, des sorties locales, des sorties dans l'est de la France. Et puis ça, bah, ça va être présenté tout simplement par ma comparse de feu, Anaïk. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce soir, tout simplement? Alors, ce soir, bah, je vous propose d'aller swinguer. Et oui, swinguer au Classico, donc à Nancy, avec Wilfried à partir de 22h. Je pense que ça, voilà, pour se réchauffer, vu le temps, ça peut être pas trop mal pour ce soir, effectivement. Et ce week-end, samedi et dimanche, parce que s'il neige aussi, c'est pareil, hein, on va peut-être pas forcément sortir. Enfin, si, on peut sortir, mais on peut sortir où? Alors, samedi et dimanche, vous pouvez retrouver notre petite boutique qu'on aime bien, V comme Vintage, avec ses meubles et objets. Donc, où ça? À l'ancien garage de l'Excelsior, pour la deuxième édition de l'événement, le squat. Je vous rappelle d'ailleurs, on a accueilli dans les locaux de Fadjet sur la matinale de Service Compris lundi matin, le squat. Tout à fait. Donc, une exposition de 15 artistes donc, qui vont envahir cet espace assez grand, hein, d'une superficie de 900 mètres carrés, constitué d'une structure métallique surplombée par une verrière. Donc, c'est un bel espace. Au programme, peinture, photographie, sculpture. Et tout ça, bien sûr, dans une ambiance vintage, puisque notre petite boutique V comme Vintage. Vend aussi effectivement ses meubles aussi, et ses objets pendant ces deux jours, hein, voilà. Alors il y a aussi le samedi 7 février, c'est cela? Alors nous avons aussi le jeudi 5 février et le jeudi 26 février, donc deux dates pour un apéro vide dressing à la machine à vapeur de Nancy. Donc c'est le rendez-vous mode, le lieu de rencontre des copines, et des nanas et des copains. Non, il y a pas de mecs. Il y a pas de copains, d'accord. Qui veulent parfaire donc leur style à moindre coût et redonner vie à des tenues ou des accessoires laissés aux oubliettes. Pour ces deux dates, donc, vous pouvez trouver toutes les infos donc, sur Facebook Le Vide Dressing de Nancy ou au numéro téléphone suivant, le 06 74 00 23 41. Samedi 7 février au Centre Culturel Picasso à Blénaud, les Pont-à-Mousson, retrouvez le rock band Les Prétoriens dans une ambiance rock années 50 et 60. Et ceux qui seraient du côté de Strasbourg, du 13 au 15 février, vous avez aussi la possibilité d'assister à la première édition du Swing Workshopala. pour un festival de l'Indie Hop à l'espace Saint-Symphorien. Mais l'objet du jour, c'était aussi le 14 février. Et que va-t-il oui, se passer? On parlait d'amour tout à l'heure, donc il y a un événement à ne surtout pas manquer, le 14 février à Nancy, à l'hôtel de ville donc de Nancy, grande soirée exceptionnelle de la Saint-Valentin. Effectivement, Cab Nomade et Mitch Tornade présentent leur burlesque. Caravane 9 avec le grand bal donc des Valentins, en hommage donc au rock'n'roll et rockabilly des années 50. Voilà, donc on pourra y retrouver donc des revues burlesques, des stands de coiffure, de make-up, des photos, des stands de création de vêtements, donc tout ça, voilà, au rendez-vous. Le dress code, bah, c'est les années 50. Par contre, je pense qu'il faut vous dépêcher pour réserver, parce que voilà, en général, les événements donc de Cab Nomade et Mitch Tornade donc ont un réel succès. Donc il faut réserver donc à partir du 28 janvier au comptoir des Caprices de Nancy ou dans les magasins Fnac, etc., etc. ou sur francebillet.com. Vous pouvez avoir aussi toutes les infos donc sur Facebook, le Facebook avec la page Cab Nomade ou le Facebook effectivement de Mitch Tornade. Qu'on va recevoir d'ailleurs dans Service Compris la matinale de Fadjet de 7h à 8h30 tous les matins du lundi au vendredi. Il est l'invité de la matinale de mercredi, donc à 7h30, soyez à l'écoute. Cette semaine, il y a encore un beau programme en termes d'invités, donc notamment, je le disais, Cab Nomade mercredi. Jeudi, il y a attendez voir que je ne dise pas de bêtises, il y a aussi du frisbee le vendredi, et jeudi il y a le CFA de l'Opéra. Donc l'émission Service Compris, c'est aussi tous les matins. Et en parlant aussi de Fadjet, Fadjet fête ses 30 ans. Et elle fête ses 30 ans, a commencé ce jeudi 5 février 2015 à 18h. Il y a donc un rendez-vous à la MJC Pichon gratuit. Il y a du slam avec le coiffé slam, il y a le clou du spectacle avec une représentation du théâtre forum en particulier, et il y a aussi le concert d'Oscar Lézard. Et donc tout ça, c'est à la MJC Pichon, 7 boulevard du Recteur Seine, donc à Nancy, jeudi 5 février. Fadjet fête ses 30 ans à cette occasion. Grande soirée, parole de jeunes. Donc, pour continuer l'émission, aujourd'hui, enfin la journée, pas l'émission, mais la journée, au programme, vous allez retrouver juste après Les Voyages de Pascal ce soir, Charlie & Co aussi à 18h30, Hot 40 à 20h, bien avant aussi Menu étudiant à 19h30, 21h Electrochoc, 22h Party Time, un beau programme encore pour cette soirée sur Fadjet. Et nous, eh bien, il est temps bien sûr de vous quitter, il est 17h30, c'est la tristesse qui me gagne. Alors on se retrouve quand du coup? Le mois prochain, oui. N'hésitez pas à suivre, donc c'est le troisième vendredi de chaque mois, ne disons pas de bêtises comme le mois de février rapide. Enfin, on vous remettra la date bien sûr sur la page Facebook. Si vous allez